Oh, mon Ferrer, c'est bref, trop cool de te voir. Je me sentais un peu seule au fond de ce placard. Toi aussi, t'en remplacé. Oui, ma petite bouille noire. Par un nouveau, soi-disant qui repasse plus vite. Oh la loose! Je te ferai bien un thé, mais je suis débranchée. Oh là là, on sert vraiment à rien ici. C'est sûr, mon Fer. Et pour l'ambiance, on repassera. Ne gardez pas les appareils électriques que vous n'utilisez plus. Faites-en profiter un proche ou donnez-les à un réseau solidaire. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de Marie-Louise Giraud, dernière femme condamnée à mort en France, dernière femme guillotinée sous le gouvernement de Vichy. Mais qu'a-t-elle bien pu faire pour mériter cela ? Meurtre ? Torture ? Acte terroriste ? Non, rien de tout cela. Elle a voué une partie de sa vie à aider 28 femmes désespérées à mettre fin à leur grossesse non désirée dans la région de Cherbourg. Mais était-ce seulement par humanité ? Pas sûr, car la question sociale est passée par là. Pauvre, Marie-Louise Giraud voulait sortir de sa condition, autrement dit, trouver de l'argent. Elle a fait de son activité d'avorteuse un commerce. Bref, tout le contraire du modèle de femme selon Vichy, qui la préfère mère, au foyer de préférence, au service du mari et des enfants, au fourneau la plupart du temps. De surcroît, au mi-temps du XXe siècle, la démographie inquiète et décroît. Les chiffres de la natalité ne sont pas bons si on les compare à ceux de l'Allemagne, par exemple. 1942 marque alors un tournant dans l'histoire de la répression contre l'avortement. Et sous Vichy, tous se mobilisent. Journalistes, juristes, médecins et hommes d'église, tous se liguent pour offrir au maréchal le cadre législatif adéquat. Aligné sur le modèle allemand, l'objectif est de punir celles et ceux qui incarnent, je cite, un fléau national, voire un danger pour la sûreté de l'État. Notre invitée aujourd'hui, Florence Rochefort, historienne au CNRS. Elle a co-dirigé le siècle des féminismes à l'atelier en 2004. Qu'est-ce que le genre chez Payot en 2013 et une histoire mondiale des féminismes dans la collection des Que sais-je en 2018 donc aux presses universitaires de France. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, coordination Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Cohn. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Unter mit der Siegesjudumsein sollen die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Dans le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat, je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander. Juin 1941, cela fait un an que la France a signé l'armistice et que le maréchal Pétain a instauré l'État français, un régime répressif, antisémite et collaborationniste. De passage à Montoire, le vieux militaire qui pense avoir fait don de sa personne à la France a rencontré Hitler et lui a serré la main. Alors, à 84 ans, il instaure un ordre qu'il annonce nouveau et qu'il qualifie même de révolution nationale, en l'occurrence. La devise « Liberté, égalité, fraternité » remplacée par le triptyque « Travail, famille, patrie », histoire d'abolir cette république honnie, laïque. Vichy, mise au contraire sur le mythe d'une France rurale et religieuse, loin de l'urbanisme frivole et cosmopolite des années Blum. Dès l'armistice, le diagnostic est pas posé lorsque Pétain déclare « C'est l'esprit de jouissance qui l'a emporté sur l'esprit de sacrifice ». En somme, la débâcle est due à la paresse, à la dénatalité et à l'égoïsme des Français. Autant d'arguments dont Léon Blum dénoncera brillamment l'impéritie lors du procès de Rion en février 1942, écrasant ses accusateurs vichistes de sa supériorité intellectuelle. Mais déjà en 1920 est créé le Conseil supérieur de la natalité ainsi que l'Alliance nationale contre la dépopulation qui en 1939 compte 25 000 membres. Et les intellectuels ne sont pas en reste. Nombreux sont ceux qui ressassent les échecs. Dans son livre « La France de Vichy », l'historien Robert Paxton écrit « Avec une fascination morbide, tous retournent les pierres de leur champ national et regardent les choses rampantes, réelles ou imaginaires qui grouillent dessous. Ces écrivains de la défaite engagent alors la rupture avec Paris et son esprit jugé trop moderne, trop décadent. Comme ici, l'académicien Henri Bordeaux dans son livre « Les murs sont bons », publié en 1941 chez Fayard. Le nombre nous a manqué dans la guerre. Or le nombre, seule la famille le donne et non l'accueil trop facilité et dangereux d'éléments étrangers. Un vieux pays comme le nôtre est soutenu depuis longtemps par la puissance occulte de ses morts, de ses bonnes femmes en prière, de ses laboureurs en sueur sur leurs champs. Des bonnes femmes en prière, voilà qui plaît bien à certains prélats de l'Église qui se pressent à Vichy. Depuis que Pie IX a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, en 1854, le culte de la mariologie est en plein essor. On y célèbre la place de Marie dans le salut du monde. La manifestation la plus éclatante de cette ferveur a lieu en 1933, avec la canonisation de Bernadette Soubirou, qui affirme avoir vu la Vierge. Et les pèlerinages à Lourdes se succèdent. En somme, grandit l'idée que la femme vertueuse doit être vierge ou mère. Entre les deux, point de salut. Sinon le vice, synonyme de fléau social et responsable de toutes les débâcles. C'est ainsi que le concept de la femme au foyer ressurgit en dépit des luttes féministes et en dépit des trois femmes ministres du Front populaire en 1936. Mais cela, c'était avant la défaite. Désormais, tout a changé. En 1940, ce sont les thèmes de la faute collective et des péchés biologiques qui se répondent dans une sorte de litanie obsédante. Lucien Romier, par exemple, conseiller intime de Pétain, déclare « un peuple de fils unique ne saurait être qu'un peuple médiocre ». Alors, pour relever le pays, mieux vaut privilégier la jeunesse et l'ordre, à la manière des Italiens dont le chant « Giovannese » devient l'hymne du régime fasciste. Une rhétorique qui séduit. Comme ici, à Ambazac, en Haute-Vienne, lors d'une cérémonie organisée en l'honneur du maréchal. Monsieur le maréchal de France. Et le maréchal. Je suis très content de vous voir. Monsieur le maréchal, chaque jeune fille a tenu à vous donner un brin de muguet chacune. Sept jeunes filles seulement. 32 jeunes filles. J'espère que vous conserverez un bon souvenir de votre visite ici. Oui. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur le maréchal. Vive monsieur le maréchal. Vive monsieur le maréchal. Et c'est ainsi que le maréchal apparaît comme un aimable patriarche qui prend soin du pays. C'est dans ce climat qu'est lancée en grande pompe la journée des mères, le terme fête étant jugé déplacé dans le cadre de la défaite. La propagande fonctionne à plein. Dans les grandes villes, cette journée est célébrée par les représentants de l'État, mais aussi par l'Église et les institutions culturelles. À Bordeaux, le spectacle intitulé « Le plus beau métier du monde » est donné devant 3000 jeunes filles. À Paris, il est repris à la Comédie Française et la Monnaie de Paris grave une médaille « Amour maternel ». Mais le ministère de l'Information, lui, décide d'aller plus loin. Trois fois par semaine, à 19h20, sorte de prime time, à l'époque, l'émission France Famille souligne le caractère héroïque des mères de famille. Moi, je vous demande une fois l'an d'offrir des fleurs de printemps à toutes les héroïnes vivantes. Oh, vous les rencontrez chaque jour, ces héroïnes. Elles n'ont ni auréole ni cuirasse d'or. Rien ne les distingue des autres femmes. Dites-lui merci quand même. Vous leur devez certainement encore pour tout ce qu'elle vous a donné. Ce sont les héroïnes de l'ombre quotidienne. Ce sont les Notre-Dame du sourire. Ce sont les créatrices du pays. Ce sont les mamans. Mièvre, sans doute, mais efficace. Martelée sur les ondes, c'est une véritable croisade qui peu à peu s'engage. Une croisade pour célébrer, mais aussi pour punir. En octobre 41, sous la pression de la presse collaborationniste, la pièce de Jean Cocteau, « Les parents terribles » est retirée de l'affiche. Motif, immoral, antifamilial. Car Vichy ne se contente pas d'instaurer un climat dans le pays, il faut censurer également. Et bientôt, accroître la répression sur celles et ceux qui sortent du rang. Du côté de Cherbourg, il en est une qui transgresse. Elle s'appelle Marie-Louise Giraud, et elle n'a que faire des gesticulations de Vichy. Depuis le 19 juin 40, les troupes de Rommel occupent sa région. On compte 30 000 prisonniers, dont son mari, quartier-maître de la marine. Le manoir d'Enville a été réquisitionné et les officiers allemands paradent dans les rues de la ville. Dès lors, le journal Cherbourg-Éclair commence sa collaboration. Dans son numéro du 24 juin, il loue l'absolue correction des troupes allemandes et la courtoisie des autorités militaires. Il rappelle aussi que, désormais, la monnaie allemande ne peut en aucun cas être refusée. C'est dans ce contexte que Marie-Louise tente de survivre pour élever seule ses deux enfants dans le plus grand dénuement. Bon, de toute façon, la vie n'a jamais été facile pour Marie-Louise. Elle est née non loin de là, à Barneville, le 17 novembre 1903. Cadette d'une famille de 6 enfants, dont 3 sont morts en bas âge, elle échoue au certificat d'études et seconde sa mère dans les tâches ménagères. Puis elle devient serveuse dans un café. Mais elle ne se résout pas à cette vie misérable et surtout, elle aime s'amuser. D'autant que ses courbes généreuses séduisent. On la qualifie alors de peu farouche. À l'âge de 18 ans, après une accusation de vol qu'elle n'avouera jamais, elle bénéficie de l'indulgence des magistrats qui ne la sanctionnent que de 100 francs d'amende, avec sursis. 6 ans plus tard, elle comparaît à nouveau, cette fois pour escroquerie. Elle est condamnée à 1 mois de prison qu'elle purge. Puis le 19 décembre, dans une affaire similaire, elle voit sa peine doublée par le tribunal de Cherbourg. Le problème en effet, c'est que Marie-Louise aime l'argent, surtout l'argent facile, et elle aime se faire plaisir. Sa fréquentation des bars de la ville lui offre une réputation de noceuse, en dépit de ses 2 mariages et de ses enfants en bas âge. C'est alors qu'en décembre 40, un événement vient bouleverser sa vie. Qu'est-ce que tu fais là dans cette eau jaune? C'est de la moutarde. Ça fait la peau douce, la moutarde? Non, c'est pas pour ça. T'es enceinte? Bernard veut pas que je le garde. Je suis venue pour le moulin à café. C'est pas comme ça que tu vas t'en débarrasser de ton môme. Pas avec de la moutarde. Je me mets comment? La table est trop petite. Alors je m'allonge par terre. Retrousse ta jupe. Tiens. Je préfère que ce soit toi, j'ai peur de pas savoir. Dans cet extrait tiré du film de Claude Chabrol, Une affaire de femme, en 1988, chef-d'œuvre d'intelligence, soit dit au passage, Marie-Louise se rend chez sa voisine et accepte de l'aider à avorter. 2 injections d'eau savonneuse et une fausse couche plus tard, la voisine est libérée de cette grossesse non désirée, synonyme de catastrophe. En remerciement, elle offre à Marie-Louise son phonographe et sa collection de disques. Elle sait que Marie-Louise aime chanter, comme la vie peut être simple, parfois. Mais voilà que 6 mois plus tard, une autre candidate se présente. Puis le rythme s'accélère. En général, l'opération se déroule chez Marie-Louise, à même le sol de la cuisine. Pour faire bouillir l'eau, il faut attendre le retour du gaz, à 17h, et finir avant le couvre-feu de 21h. Si la fausse couche se produit dans les 24h, la patiente doit lui envoyer ce message codé « Bismarck est foutu ». Sinon, il faut recommencer. Or, Marie-Louise est douée. Dans la région, son nom commence même à circuler, notamment grâce à 2 voyantes, Augustine et Eulalie, qui glissent son adresse à leur cliente esselée. Elle a dit que vous pourriez me rendre un service. Ma sœur est enceinte de 3 semaines. Son mari est prisonnier depuis 2 ans. Il y a des femmes qui se font pas à la solitude. Faudra payer d'avance. Et le commerce prospère. Être faiseuse d'ange se révèle tellement plus lucratif que de travailler dans une blanchisserie. 2000 francs l'intervention, c'est l'équivalent du salaire mensuel d'un ouvrier. En outre, depuis que Cherbourg est devenue une base de la Kriegsmarine, les prostituées affluent. Et il se trouve qu'elles ont du mal à trouver un toit pour travailler. Profitant de la situation, Marie-Louise leur ouvre sa maison, moyenne en finances. Aux heures d'affluence, elle leur cède même son lit. Le danger, elle s'en moque. Elle peut enfin se faire plaisir, et même déménager. Un immeuble est à vendre, rue Grande Vallée. Elle l'achète. D'autant que son mari rentre de la guerre, blessé et amer. Il n'est plus bon à rien, et il boit. Alors, elle se console en prenant un amant. Et bien sûr, autour d'elle, on jase. Et on rabâche le dogme de la mère de famille fidèle à son mari. Seulement voilà, Marie-Louise se moque bien des critiques et des obsessions vichistes. Et elle ne s'interroge pas lorsque la fête des mères devient une institution nationale. Elle ne s'inquiète pas lorsque le maréchal exhorte les femmes à devenir des inspiratrices de la civilisation chrétienne. et elle se moque de ces médecins passés experts en ordre social qui acceptent de lever le secret médical et donc de pratiquer la délation. Pire encore, elle ignore que Pétain promulgue un texte terriblement répressif, une loi visant directement les faiseuses d'anges qui leur ôte toute circonstance atténuante, comme l'explique l'historienne Francine Muel dans Vichy et l'éternel féminin. Le 15 février 1942, la loi dite 300, car 300e acte législatif de l'État français, fait passer l'avortement du statut de crime contre l'individu à celui de crime contre la société, l'État et la race. Le jugement du tribunal d'État est définitif et immédiatement exécutoire. Parmi les peines prévues, la peine de mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation ou l'emprisonnement avec ou sans amende. En outre, la sentence du tribunal doit être affichée sur les portes des domiciles professionnels et privés des accusés. L'idée est donc de châtier publiquement ceux ou celles qui nuisent au peuple français. Alors, Marie-Louise ferait bien de se méfier, car elle risque la peine de mort désormais. Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées. Mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un, et quelqu'un m'a aimé, comme les enfants qui s'aiment. Simplement savent aimer, aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, ouais, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Aujourd'hui, Marie-Louise Giraud, avorteuse sous Vichy. France Inter, Affaires sensibles. Le 15 octobre 1942, le commissariat de Cherbourg reçoit une lettre anonyme. La missive l'informe qu'au 44 rue de la Grande Vallée, une certaine Marie-Louise Giraud pratique des avortements et qu'elle en profite pour sous-louer des chambres à des prostituées encartées, c'est-à-dire enregistrées à la préfecture de police. Il arrive même que des femmes adultères s'y réfugient pour prendre du bon temps. Maison de passe, maison de rendez-vous, les expressions ne manquent pas pour qualifier l'immeuble tenu par Marie-Louise. Alors, une enquête est lancée, le voisinage ne se fait pas prier. Il la décrit comme une femme d'argent, vulgaire, de très mauvaise moralité. En somme, une femme qui s'octroie une vie de plaisir. Déjà en temps de paix, il était difficile pour une femme de mener sa vie comme elle l'entendait. Alors en temps de guerre, et sous Vichy, pensez donc. Certains témoins dénigrent même ses qualités de mère. Des voisines rapportent que ses enfants sont mal tenus, livrés à eux-mêmes dans la rue, souvent pieds nus. L'une d'entre elles décrit une scène dont elle a été témoin. Elle concerne précisément les enfants de Marie-Louise. Un après-midi, je me trouvais à ma fenêtre, en face de la maison sinistrée. Et j'ai vu le fils Giraud, âgé à l'époque de 6 ans, qui avait conduit sa jeune sœur dans les décombres. Il l'avait faite coucher sur les pierres et il essayait d'introduire un morceau de bois dans ses parties sexuelles. Puis au bout d'un certain temps, je l'ai entendu lui dire « Voilà, ça y est, l'opération est terminée ». La police de Vichy peut souvent compter sur le témoignage des braves gens, car ils sont volontiers dans le sens de l'accusation et leurs déclarations sont accablantes. Une femme qui mène ses enfants sur la voie du vice, scandale. Il aurait fallu être plus vigilant envers elle, il aurait fallu se méfier. Autant d'arguments repris notamment par la revue Voix familiale française, tout un programme, et qui alerte. Vous voyez cette jeune femme qui passe dans la rue? Est-elle assez élégante? Admirez ce corsage, ce chapeau dernier cri, ses ongles rougis, ses sourcils épilés, cette démarche, ce parfum. Vous dites « Oh, la jolie personne !» Mais quelle erreur ! Cette femme est tout simplement un assassin. Alors, que faire d'elle ? Le juge d'instruction de Cherbourg prévient le procureur général de la gravité du dossier, un homme particulièrement scrupuleux et zélé que ce magistrat. Alors immédiatement, il informe la chancellerie, qui envoie le dossier au tribunal d'État, à Paris. Car il faut frapper un grand coup, faire un exemple. Ce qui ne sent jamais bon pour l'accusé. Un postulat qui laisse entrevoir le pire. D'autant que le commissariat général à la famille prépare une exposition d'importance. Par la route, de nombreuses villes de France reçoivent la visite de l'exposition ambulante du commissariat général à la famille, qui est organisée également dans les arrondissements de la capitale. Dans le 15e, elle est inaugurée par M. Renaudin. Grâce à de nombreux graphiques, schémas et maquettes, ces stands vont permettre aux Français de se rendre compte de la situation critique de notre pays devant certains problèmes sociaux tels que la dénatalité, l'alcoolisme ou la multiplicité des divorces. Ces expositions ont pour but de lutter contre tout ce qui avilit la famille française et d'ouvrir la voie à une renaissance sans laquelle notre pays serait condamné à mourir. Non, le pays ne doit pas être condamné à mourir. Non, la France ne deviendra pas « a dying nation » comme le prédisaient les Anglais au début du siècle. Le 23 octobre 1942, Marie-Louise Giraud est arrêtée. Immédiatement, elle passe aux aveux, persuadée qu'elle s'en sortira avec une peine de prison légère. Or, 6 mois passent, durant lesquels elle croupit dans la maison d'arrêt de Cherbourg en attendant d'être jugée à Paris. Une attente qui n'augure rien de bon. Alors, dans sa cellule, Marie-Louise s'interroge. Elle ne comprend pas pourquoi le terme « crime » a été mentionné dans son dossier. Enfin, elle n'a tué personne. Alors elle repense aux petites bonnes séduites par leur employeur, allemand ou français, victimes, aux mères épuisées par les accouchements, et à toutes celles qui regrettent un moment d'égarement. Elle les a toutes aidées. Alors, où est le problème ? Marie-Louise ignore simplement que depuis des années, des hommes militent pour que le terme « fœtus » soit remplacé par « enfant prénatal ». Parce que pour eux, un avortement est un crime. Et même un crime contre le pays. D'autant que de nombreux médecins admirent le maréchal. Certains lui dédient leur thèse. L'un d'eux écrit « J'adresse un hommage très respectueux et reconnaissant au protecteur de la famille, mais aussi à ma femme, mère de mes 17 enfants, bientôt 13 fois grand-mère ». D'ailleurs, l'Ordre des médecins, créé en 1940, va dans ce sens et souscrit à l'idée que le praticien doit aussi avoir une fonction politique. Toutefois, certains soignants résistent. comme en témoigne cet article publié en 1941 dans Le Médecin français, une publication clandestine qui assure la liaison avec le maquis et qui aboutira au comité de résistance médicale. À notre époque, où la vérité est falsifiée d'une façon ahurissante par les hommes au pouvoir, où la radio d'État mène campagne contre les diplômés, où le maréchal parle de révolution alors que notre pays est plongé dans la plus noire réaction, tel un véritable retour au Moyen-Âge, nous voulons une réorganisation de la médecine par les médecins eux-mêmes. La médecine de demain, celle de la France édifiant le socialisme, sera ce que feront les médecins français demain, luttant aux côtés du peuple. Mais ces médecins-là sont bien minoritaires. Et c'est une véritable police des corps qui s'empare du pays. On touche alors au concept de biopolitique, analysé par Michel Foucault 30 ans plus tard dans son livre « Surveiller et punir », une somme, une œuvre de référence. Ceux qui volent, on les emprisonne. Ceux qui violent, on les emprisonne. Ceux qui tuent également. D'où vient cette étrange pratique et le curieux projet d'enfermer pour redresser que portent avec eux les codes pénaux de l'époque moderne? Un vieil héritage des cachots du Moyen-Âge, plutôt une technologie nouvelle, la mise au point du 16e au 19e siècle de tout un ensemble de procédures pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus, les rendre à la fois dociles et utiles. Les rendre dociles et utiles, oui, leur faire peur aussi, et les punir. À ce titre, c'est sans anesthésie que les curetages sont pratiqués. D'abord parce que dans la pensée chrétienne, la douleur est rédemptrice. Et dans le genre, Marie-Louise est une sérieuse cliente au jeu du régime de Vichy. Aucune moralité. Elle a humilié son mari, perverti ses enfants, pactisé avec les prostituées, les femmes infidèles, les meurtrières. En somme, cette femme est terrifiante. C'est une sorcière. Ou comment reculer de plusieurs siècles et se retrouver au Moyen-Âge? En attendant, dans sa cellule, Marie-Louise s'interroge. Qui a bien pu la dénoncer? Les détails de la lettre anonyme reçue par le commissariat du 2e arrondissement de Paris le 15 octobre 1942 prouvent que le corbeau est un proche. Il est vrai que, menant bon train, Marie-Louise s'est fait beaucoup d'ennemis, à commencer par Paul, son mari. D'autant que la police l'a laissé libre alors qu'il aurait pu être condamné pour complicité. Oui. Mais il y a aussi Alexandrine, la domestique. Elle aussi a été laissée libre. Ainsi, pendant près de 2 années, vous avez rendu service, entre parenthèses, un service que vous faisiez payer, à plus de 23 futurs maires de votre pays. Et je lis également que, dans le même temps, vous louiez des chambres de votre logement à des femmes légères. Le procès s'ouvre à Paris le 8 juin 1943. Aux côtés de Marie-Louise, sur le banc des accusés, les voyantes Augustine et Eulalie ont pris place, poursuivies pour complicité dans 4 avortements. Également présente, Jeanne, une voisine qui comparaît pour les mêmes motifs. Appelée à la barre, Marie-Louise décide d'assumer. Je suis persuadée que l'on tiendra compte de ma franchise. Je regrette ce que j'ai fait. Et je vous promets de ne plus recommencer. Si j'ai fait cela sur une si grande échelle, c'était pour rendre service à des personnes embarrassées. Soit qu'elles soient jeunes filles, soit mariées avec des prisonniers. En général, j'injectais de l'eau savonneuse tiède dans la matrice de mes clientes et il était rare qu'au bout d'une ou deux fois, la femme ne soit pas débarrassée. Lorsque la chambre du premier était libre, j'opérais sur le plancher. Je faisais coucher la femme sur une couverture à repasser et je lui mettais un oreiller sous la nuque. C'était pour les aider. Quoi ? Les aider ? À tuer des petits Français ? Et en empochant au total la coquette somme de 14 000 francs ? Mais vous plaisantez, madame, lui rétorque le tribunal. Et peu importe les explications de Marie-Louise, tout comme sa franchise. D'autant que l'un des principaux témoins à charge est son propre mari. Il est alors retraité de la marine et pensionné de guerre à 50%. Soudain, il prend la parole, mais surtout, relate cet épisode accablant pour l'accusé. Je me souviens qu'après le déjeuner, ma femme a apporté dans la salle à manger un fœtus de 15 cm qu'elle a montré à tout le monde, même au gosse. Ensuite, elle l'a enveloppé dans un chiffon de laine rouge et elle m'a dit d'aller le jeter dans les petits jardins de la cité coloniale. Craignant d'être frappé, j'ai obéi et je suis allé porter le fœtus sous un arbre, à côté d'un tas de saletés. Et puis je suis revenu à la maison. Stupeur dans les rangs du tribunal. et on entend dire comme ce ménage peut être méprisable. Un époux alcoolique, au chômage, qui se laisse à ce point dominer par sa femme. Un époux qui ne possède aucun des attributs virils qui fondent l'idéal de Vichy. Selon le rapport de police, Paul Giraud est un être mou, malade, assez peu courageux et sans aucune autorité. Il n'a jamais su tenir sa femme. Admirons le résultat. Au sommet de l'État. Et nul ne s'en cache. Oui, cette affaire doit devenir un exemple. Alors tous les magistrats insistent sur l'immoralité de cette femme. Quant à l'avocat général, c'est sans surprise que dans son réquisitoire, il associe l'avortement à une attaque contre l'État. Accusé, levez-vous. Vu les articles 59, 60, 77 et 79 du Code pénal, la loi du 13 août 1941, 15 février 1942, décret loi du 29 juillet 1939... Le jour même, le verdict est rendu. En application de la loi du 15 février 1942, les complices Eulalie, Jeanne et Augustine sont condamnés respectivement à 5, 8 et 10 ans de travaux forcés et de fortes amendes. Puis vient le tour de Marie-Louise. Pour l'ignoble besogne, pour sa conduite et sa moralité des plus mauvaises, je cite l'accusation, elle est condamnée à la peine de mort. Et conformément à l'article 12 du Code pénal, elle aura la tête tranchée. Une demande de grâce est alors envoyée au maréchal, qui l'étudie personnellement. En recevant cette lettre, repense-t-il à sa propre mère, morte en couche alors qu'il n'avait qu'un an ? Un traumatisme. Mais alors qu'il envisage la fin tragique de Marie-Louise et qu'il imagine la tête tranchée, revoit-il le visage de ses anciennes maîtresses, oui, celles qu'il fréquentait dans les maisons closes durant sa jeunesse. Car étonnamment, si le maréchal a développé une vision fantasmée de la mère de famille chrétienne, il apprécie aussi les femmes dites faciles. Comme le raconte la biographe Bénédicte Vergès-Chaignon dans le podcast Le fantôme de Philippe Pétain, de Philippe Collin. Alors, oui, il fréquente des prostituées, mais il a par ailleurs une vie sexuelle et amoureuse intense et variée, car il a l'habitude d'entretenir plusieurs liaisons à la fois. Il aime organiser ce qui peut être du triolisme, ce qui peut être du voyeurisme. C'est vrai qu'il est aussi un écrivain érotique, en quelque sorte. Un écrivain érotique, mais surtout un maréchal impitoyable qui refuse la demande de grâce de Marie-Louise, alors que le garde des Sceaux, Maurice Gabold, avait émis un avis favorable et une préférence pour des travaux forcés à perpétuité. Mais le maréchal veut son exemple. Il veut montrer sa force, son intransigeance. La dernière exécution d'une femme remonte à 1905. Il faut donc acter la rupture. Et rompre avec cette république aux mœurs dissolue, qui en plus, cette année-là, a osé séparer les églises de l'État. Le 30 juillet 1943, à 5h20, dans la prison de la Petite Roquette, Marie-Louise Giraud est la première et dernière femme à être exécutée pour avortement. Avant de mourir, elle demande une messe et communie. Une heure plus tard, un fourgon mortuaire, attelé de deux chevaux, pénètre dans l'enceinte du cimetière d'Ivry. Devant le carré des suppliciés, son corps est mis en bière, puis inhumé. Personne ne réclame son cadavre, pas même sa famille. Pourtant, une heure plus tôt, juste avant que le bourreau ne s'empare de son corps, Marie-Louise avait remis une mèche de ses cheveux à son avocat pour qu'il la remette à ses enfants. Thank you. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire de Marie-Louise Giraud, dont nous allons parler avec notre invitée Florence Rochefort. Bonjour. Bonjour. Historienne au CNRS, vous avez co-dirigé le siècle des féminismes à l'atelier en 2004. Qu'est-ce que le genre chez Payot en 2013 et vous avez publié une histoire mondiale des féminismes aux presses universitaires de France dans la célèbre collection Que sais-je, c'était en 2018. Alors on l'a vu dans le récit. Dès le début du siècle, une véritable obsession pour la démographie s'empare de ce pays qu'est la France. Comment comprendre ce phénomène ? Alors, il y avait l'idée que la force d'un pays, c'était aussi la force de sa natalité. Et depuis la défaite de 1870, il y avait cette obsession d'une baisse de la natalité et de la dépopulation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça concentre cette peur, cette crainte devient obsessionnelle et on le voit voilà de façon exponentielle pendant l'entre-deux-guerres, après évidemment tous ces hommes morts au front pendant la Première Guerre mondiale. Mais ça concentre l'intérêt de gens très différents. Aussi bien des laïcs qui sont obsédés donc par la dépopulation et qui vont quand même être des bons républicains et défendre la République laïque. Comme Léon Blum, hein. Voilà. Notamment. Hein. Alors Léon Blum, jeune, il est beaucoup plus ouvert. Oui, mais à ensuite, l'idée, quand mais... il est au pouvoir, il n'y a pas d'ouverture vers une dépénalisation. En tout cas, ça ne fait pas partie de leur programme. Mais c'est pas forcément l'exemple qui illustre le plus cette obsession de la dépopulation. Et puis il y a tout un appareil conservateur, un appareil idéologique conservateur qui là va prendre toutes sortes de gens de droite jusqu'à l'extrême droite. Et puis bien sûr le catholicisme qui est quand même extrêmement dominant dans cette France de l'entre-deux-guerres et encore sous Vichy. Et surtout sous Vichy. Puisque la culture chrétienne du maréchal Pétain a quand même beaucoup influencé ses décisions et sa politique. Il y a aussi la question de l'hygiénisme. Oui, alors, l'hygiénisme, l'eugénisme aussi, qui est cette idéologie où on pense qu'on va pouvoir améliorer la race, l'idée de voir même jusque dans le nazisme éliminer les personnes qu'on considère pas suffisamment ariennes. Donc il y a quelque chose dans cette époque qui pense justement que c'est en surveillant, réprimant, contrôlant les populations jusque dans leur intimité, de couple et de reproduction, et que c'est l'État qui doit finalement décider de la reproduction. Et du coup, le corps des femmes devient complètement au service d'un projet politique. Et ce projet politique, je disais, les natalistes, les repopulateurs, et puis les familialistes, qui donc vont être au pouvoir sous Vichy, qui pensent qu'on doit forger un État, une politique autour de cette cellule qu'ils imaginent éternelle, qui est la famille. Et là, on est vraiment dans les politiques familiales et qui suppose un dévouement total des femmes à cette cellule soi-disant sociale de base. Et d'ailleurs, donc à cette cellule de base, ou soi-disant, c'est aussi une allégeance à l'État qu'on demande, les deux en même temps. Et à tel point que Pétain apparaît comme une espèce de roi thaumaturge, hein, on vient lui toucher la main. Enfin, c'est... Oui, de père. Alors bon, il faut peut-être évidemment se replacer dans les traumatismes de bien la sûr, guerre. Bien sûr. Avec l'homme, l'attirance pour l'homme providentiel. C'est un homme très âgé aussi, donc il a presque, c'est même plus le père, c'est le grand-père protecteur. Et puis le peu aussi de maturité, on peut dire politique, sur ces questions. C'est-à-dire que c'est plus l'idéologie de l'Église et d'une espèce de moralisme où on va toujours accuser les femmes de tous les maux et de tous les vices. Jusqu'au concept de la sorcière. Voilà, ou de la... Alors, il y avait un historien qui disait Marie-Louise Giraud, c'est vraiment l'incarnation de la femme anti-France. Cyril Olivier utilise ce terme, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est aussi du nationalisme, et les femmes deviennent les femmes de de mauvaise vie, mais elles sont bien plus nombreuses que les autres, deviennent les boucs émissaires de cette politique autoritaire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir. C'est-à-dire que non seulement il y a la réunion de gens très différents qui pouvaient se détester auparavant et qui tout d'un coup trouvent un intérêt à se fier à ce gouvernement, à ce nouvel État français, hein, donc l'abolition de la République, l'abolition de la démocratie. Et puis, il n'y a plus aucun contre-pouvoir. La censure, vous en avez parlé. Donc les néo-malthusiens ou même les gens qui étaient simplement pour la défense des libertés individuelles ou simplement la liberté d'opinion n'ont plus voix au chapitre. Donc il n'y a plus aucun contre-pouvoir. La médecine, les magistrats, les politiciens sont tous dans une sorte de voie unique et utilisent aussi, parce qu'on ne peut pas non plus imaginer qu'ils sont tous sincères, hein, utilisent cet outil politique familialiste pour préserver leur plein pouvoir. Ben voyons. Alors on va revenir au cas de Marie-Louise Giraud. Comment comprendre que d'autres avorteuses, peut-être moins délurées, n'ont pas été exécutées ni même déférées devant un tribunal d'État? Alors de juillet 42 à octobre 44, seuls 41 dossiers ont été envoyés au tribunal d'État, 34 à Paris et 7 à Lyon, je crois. Et seul un homme, Désiré P, est exécuté en 1943. Les autres cas se soldent en général par des travaux forcés. Alors pourquoi Marie-Louise? Pour l'exemple, bien sûr, on l'a dit, mais pourquoi elle cochait vraiment toutes les cases de ce que détestait Vichy? Oui, elle cochait toutes les cases et elle était d'un milieu défavorisé et elle avait osé s'élever de sa pauvreté. Elle transgressait toutes ces nouvelles lois. Il y a une loi qui condamne l'adultère, qui est beaucoup plus sévère qu'auparavant, donc déjà, voilà, elle transgresse. Elle transgresse aussi le fait que l'État est propriétaire de la prostitution. La prostitution réglementée, il n'y a que l'État, et c'est des règlements qui se durcissent sous Vichy. Donc en plus, elle transgresse aussi ce monopole en étant une sorte de maquerelle, ou du moins de facilité, une prostitution libre qui est totalement réprimée, bien plus réprimée qu'avant. Et puis, elle a tous ces témoignages contre sa moralité, parce que c'est une femme relativement, qui semble en tout cas, parce que méfions-nous peut-être aussi, voilà, de ne pas reprendre à notre compte tout ce qui a été dit sur elle, mais il semble que c'était une femme relativement libre. En même temps, on peut se dire que 27 ou 28 avortements sur quelques années, c'est peu. On la présente comme quelqu'un qui aurait fait fortune. Oui, c'est pas la chaîne, c'est pas non plus mais l'usine. Par rapport au nombre de femmes qui avaient besoin de recourir à ce service qui existe depuis que les femmes doivent réguler leur naissance. Et donc finalement, simplement, elle a aucun protecteur. Elle est absolument dans ce sens-là. Elle est hors de tous les circuits. Ouais. Qui aurait pu peut-être, disons, ébaucher une circonstance atténuante, non pas pour la disculper, mais pour éventuellement ne pas la guillotiner. Et puis, il y a, je pense, cette surenchère. On est à un moment, en 43, de surenchère, hein, par rapport à la collaboration, la fascination du nazisme aussi, la fascination de l'allemand et de ce que les Allemands ont mis en place comme politique répressive sur le corps des femmes. Donc, il y a aussi sûrement une sorte de mimétisme. Et n'oublions pas que ça va avec une répression plus accrue sur tous ceux qui sont les victimes de Vichy, les juifs, les francs-maçons, les communistes, les syndicalistes, et toutes les personnes qui étaient contre qui auraient pu être contre ou s'exprimer contre ce régime. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des accidents, voire des drames de femmes qui ont été avortées par Marie-Louise et qui seraient mortes? Alors il y en a une qui, semble-t-il, n'a pas survécu, mais à remettre dans un contexte où on mourait relativement fréquemment d'avortements clandestins parce que ça provoquait les conditions d'hygiène ça a été tout l'argument pour essayer de dépénaliser justement l'avortement. C'était aussi le nombre de décès et les souffrances atroces aussi que les femmes pouvaient endurer. On va se retrouver dans un peu plus de 2 minutes. On écoute Toucan, Le monde a changé. aussi avec la lumière sur le pas de ta porte. J'ai vu l'onde de notre insomnie les jours jusqu'à notre mort. Sont si nombreux que je me dis entre nous c'est très fort. Il suffirait juste de courir. Florence Rochefort, de ce qu'on sait de Marie-Louise, finalement on le sait avec le film de Claude Chabrol. Alors il y a aussi un livre hein, qui ces années-là a un succès fou, s'appelle L'homme, cet inconnu, paru chez Plon en 1935, signé Alexis Carrel, et qui se vend à 200 000 exemplaires. Un livre dans lequel on peut lire, donc on est en 35, hein. Les femmes abandonnent leurs enfants au kindergarten pour s'occuper de leur carrière, de leurs ambitions mondaines, de leurs plaisirs, de leurs fantaisies littéraires ou artistiques, ou simplement pour jouer au bridge, aller au cinéma, perdre leur temps dans une paresse affairée. On comprend alors pourquoi le procès de Marie-Louise a été si expéditif finalement, et assez peu relayé dans la presse, malgré le désir de Pétain d'en faire un exemple. Toutefois, de son histoire, subsistent 196 pièces du dossier conservées aux archives nationales, grâce auquel Chabrol, justement, a pu réaliser ce film, une affaire de femme. On a pu en entendre quelques extraits dans le récit, mais je vous propose d'écouter maintenant Isabelle Huppert, époustouflante dans le rôle de Marie-Louise, absolument parfaite, vraiment impressionnante. Nous sommes alors à la Mostra de Venise, le 4 septembre 1988, et Henri Chapier lui demande, à Isabelle Huppert, si elle avait elle-même une opinion personnelle sur l'avortement avant d'incarner Marie-Louise. Vous aviez une position personnelle sur le problème de l'avortement avant d'avoir eu le scénario entre les mains? Oui, j'en avais une, oui. Je pense que c'est difficile d'avoir une position très tranchée sur ce problème. Je crois qu'il y a une phrase dans le film qui montre bien, avec peut-être la subtilité avec laquelle Chabrol, en tous les cas, l'envisage dans le film. À un moment donné, l'héroïne Marie dit « Est-ce que tu crois que les bébés dans le ventre de leur mère ont une âme ?» Même si on est pour l'avortement, je crois qu'il y a cette dimension-là qu'on peut peut-être pas tout à fait oublier. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bah, c'est étrange d'entendre l'actrice s'exprimer ainsi, parce qu'en fait, je pense qu'elle est un peu coincée parce qu'elle est dans la promo du film et que elle veut pas, apparaître sous un jour où on pourrait l'attaquer, où on pourrait attaquer le film. Ouais. Mais il me semble que là, elle prête le flanc en tout cas. Et puis bon, les interviews, on maîtrise pas toujours la façon dont on répond. Elle est peut-être surprise qu'on lui pose cette question et elle a pas vraiment réfléchi à comment y répondre, mais ça prête le flanc à tout le discours anti-IVG, parce qu'on est quand même en 88, donc c'est un acquis, et il commence, c'est juste le début des commandos anti-IVG qui vont s'enchaîner dans les hôpitaux publics pour essayer d'empêcher les avortements. Donc voilà, je pense que c'est plus une maladresse que... Oui. Et c'était pas pour la mettre en difficulté, parce qu'encore une fois, quelle démonstration d'actrice dans son ce film, c'est à tomber à genoux. Quoi. Voilà. Tellement c'est bien joué. Je pense que la portée du film est bien plus bien à nous faire comprendre comment cette question devient une question politique et de bouc émissaire pour des régimes autoritaires, voire totalitaires. Alors pour vous dire, je l'ai revu hier pour me mettre dans l'ambiance, et pendant tout le récit, j'avais le visage d'Isabelle Huppert quand j'ai parlé de Marie-Louise Giraud. Ça, c'est puissant. Bravo les acteurs. Voyons maintenant l'évolution du regard porté en France sur l'avortement depuis l'affaire Giraud, après la libération. Comment comprendre qu'en 1947, le nombre de comparants devant la justice excède celui atteint sous l'occupation, 5601 pour être précis, hein, 5601 en 1946, soit plus de 1000 qu'en 1943. Alors ça, c'est effectivement très surprenant. Ce sont deux historiens qui ont fait cette étude pour montrer qu'à la libération, en fait, se prolonge tout un système répressif avec un système policier, un système judiciaire qui échappe à l'épuration sur cette question-là. Oui. Ça prouve aussi que même quand on revient à la démocratie et on revient à la République, les lois répressives de 1920-1923, donc celle de 1942 va être annulée, mais on n'annule pas les précédentes qui condamnaient de façon très stricte toute information sur les moyens contraceptifs et qui avait fait de l'avortement donné les moyens aux magistrats de condamner très fermement l'avortement. Donc on voit bien que c'est un choix politique. Là, on est dans une République, effectivement, se libère. Pourtant, les communistes sont assez puissants à ce moment-là, mais ils sont pris dans une logique nataliste aussi, et donc tout à fait à côté de la plaque sur cette question. Et finalement, là aussi, de nouveau, un consensus pour remettre les femmes au foyer, essayer qu'elles libèrent les places sur le marché du travail, et qu'elles enfantent, qu'elles enfantent, qu'elles enfantent. Non, c'est un combat permanent. Quoi. C'est un combat permanent et ça a été bien difficile de refaire un mouvement d'opinion. Il faut attendre les années 1950 et plus exactement 1956 où apparaît une association qui s'appelle la Maternité Heureuse, donc déjà prudente et qui ne parle pas du tout d'avortement mais déjà de contraception. Et puis après, il faut attendre les années 1960 et 68 et les féministes des années 1970 pour que vraiment l'avortement devienne un droit. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, même cette notion de droit ne fait pas l'unanimité dans notre personnel politique. Et aujourd'hui, pensez-vous que le destin de Marie-Louise Giraud est assez connu dans les milieux féministes ? Les milieux féministes ont des figures comme ça, des incarnations, des figures tutélaires, et c'est bien normal, il n'y a pas que l'âme de rouge, il y en a plein d'autres. Est-ce que Marie-Louise Giraud en fait partie ? Non, et peut-être que c'est plutôt des figures d'avortées qui vont prêter à l'empathie et peut-être à une certaine héroïsation, plus que la figure de Marie-Louise Giraud qui ne semble pas adhérer à un idéal de liberté. Elle veut de l'argent aussi, je le disais au début. Elle a une figure d'avorteuse qu'on aimerait pouvoir ne plus voir exister dans les pays où l'avortement n'est pas autorisé, n'est pas médicalisé. Mais elle ne prête pas à la sympathie ou à l'empathie. Elle ne partage pas un idéal. C'est juste une femme qui pratiquait ce genre d'avortement. Et ce qui est intéressant sous Vichy, c'est que auparavant, il y avait une certaine indulgence vis-à-vis des avortés. On les condamnait évidemment moralement, mais on mettait plutôt l'accent. Et il est recommandé d'être aussi sévère envers l'avorté qu'envers l'avorteuse ou l'avorteur. Alors, une dernière question. Vous avez écrit « Le siècle des féminismes » à l'atelier en 2004. Dans l'histoire d'un mouvement comme ça, d'un mouvement humain, qui est aussi un mouvement politique, il y a des moments forts, il y a des ruptures. Quels seraient les moments forts et les points de bascule qu'on pourrait mettre en avant sur ce siècle des féminismes ? Alors, oui, j'ai aussi co-écrit plus récemment « Ne nous libérez pas, on s'en charge », qui est une histoire du féminisme et des féminismes en France, depuis la Révolution française jusqu'à nos jours. Donc, des moments rupture, il y en a beaucoup. Les guerres sont importantes. On voit des régressions très fortes au moment des guerres. On n'a pas utilisé le mot de misogynie, mais c'est quand même très important. Il y a toujours un fond misogyne disponible, et puis tout d'un coup, ça ressort. Mais bon, rendons hommage aux féministes des années 70, et à celle d'aujourd'hui également, parce que c'est toujours un combat, ça n'est jamais un acquis, et c'est toujours fragile, et on le voit dans le monde entier aujourd'hui, malheureusement, de façon exemplaire. Bien sûr, d'où la radicalité du combat féministe, d'ailleurs, qui n'est pas toujours comprise, mais qui semble nécessaire. Merci, Marie-Louise Giraud. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Marie-Louise Giraud. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.